blanche colombe, que prépares-tu? Tout ce linge blanc, te maries-tu? Je vais me laver, je vais me changer, et à la fenêtre je vais flirter. Un beau jeune homme bien habillé, un amoureux en canotier. Je le fais entrer pour prendre le thé. Il crache par terre. Nettoie ça, petit cochon, va faire ton éducation. Nettoie ça, petit cochon, va faire ton éducation. Va faire ton éducation. Nettoie ça, petit cochon. Va faire ton éducation.